ma belle sœur, c'est moi qui pilote. Prépare la capote, si tu me plais, je serai au top. Toujours au top niveau, j'ai les mots qui charment. J'ai le charme du ghetto, je fais toujours ce qu'il faut aux femmes. Quand je rappe, je suis toujours sautiste. Wack MC, vite tes sottises. Là, c'est ma tête, l'arme blanche, dégrave ton soutif. Le son, je kiffe, maintenant je tisse. Jusqu'à je piche, balance un pisse. A tous les frères qui mènent une vie d'artiste. On revient péter le score, le son est hardcore. Ça m'étonne pas si tout le monde en demande encore. On est trop fort, normal, compte laisse que l'y reste. On est trop gore, c'est la mentalité de l'Est. Tout me rend ouf, cousse. Après 20h chez moi c'est le désert. Sauf qu'il caille et en bas des halls, les euros désertent. L'instru j'en fais un festin, un truc tu veux test hein. De nous ça te fera mal comme une dame, ça dans l'intestin. T'es posé sur ce banc seul, quand soudain j'aperçois une personne. Au même moment l'horloge sonne, on se coupe. Le type me questionne, que faites-vous? Je réponds, qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es un flic? Et même si c'est le cas, de quoi tu me soupçonnes? Alors le type me reproche d'être antisocial, voué à l'échec. Me fait un discours paternel, je rétorque les mecs. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Si t'es venu pour me chauffer, s'il te plaît, attends l'hiver. Puis je me tourne vers mon pack, et même pas le temps de dégoupiller ma hache. Que cet avare revient à la charge, sa charme, à me faire entendre raison. Me parle de sa belle famille et de son fiston, je l'arrête net. Et lui rappelle que si son fils est un modèle à la maison et qu'on fréquente pas les mêmes horizons, non. Ça l'empêche pas en toute discrétion de partir en couille comme les saisons. Comme les saisons. Comme les saisons. Comme les saisons. Ces fils de pute nous prennent pour qui? On est là, on veut du bif, des putes, nourrir la mif, c'est ça qu'on rêve, fils. Chaque jour, mes textes, je révise, je me dépine ou je tease en voulant perceptible. Que des maths, c'est imperceptible. Nick sa mère, le stem, si c'est du son dont Itchy à faire, on s'ennuie. Rabatte la nuit sous Sensi. Ok, c'est psycho. La 8 de ma tech fonce des au chromium, on gère. Souvent, on gère dans des défonces de bâtards. Présente pour les frères qui deal. Tous anti-police, jamais en balise, je fume la piste. Lyrical calage, les kills des, je les cage, les baisse comme des pétas solides. Demande à mes rossolides. 5-4 c'est torride, 3 mois, ma ville est torride, tchapa. Ma ville est torride, tchapa. Ma ville est torride, tchapa. Ma ville est torride, tchapa.